Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis dans le studio avec un jeune homme. C'est pas souvent. Dans les facultés de lettres, humanité, etc., il y a beaucoup plus de filles. Alors quand on voit un jeune homme, vite, vite, on va voir. Un jeune homme tout à fait sympathique qui est venu étudier ici à Salamanque para también sacar la doble titulación en la Facultad de Traducción. Se llama Arnaud. Et bonjour. Voilà, il nous dit bonjour. Et bonjour donc, Daniel. Merci. Bonjour Daniel, voilà. Et donc Arnaud, quand je l'ai vu arriver le premier jour, c'était un jeune homme tout à fait normal. Et puis le lendemain, quand on voulait à la faculté, tenait la pata mal, se había herido. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, jugando a rugby. Y me quedé perpleja. Dije, el rugby, pero qué curioso, en España nunca se habla de rugby. Y me dice, sí, en la universidad. Hay un club de rugby. Tout à fait, il y a une équipe de rugby, l'équipe de l'université de Salamanque, qui réunit ma foi bon nombre de pratiquants. Même si c'est vrai, la plupart n'ont qu'un an ou deux ans de rugby derrière eux, c'est-à-dire depuis qu'ils sont à l'université, qu'ils n'avaient jamais essayé auparavant. Certains y jouent depuis plus longtemps. Ah, oui. Si le niveau n'est pas des plus extraordinaires, l'ambiance comble le manque. Voilà. L'envie de bien faire. Mais c'est fondamental, ça, on a envie de bien faire. C'est fondamental. Voilà. C'est fondamental. Ah, mais très bien. Alors, voyons voir, j'ai deux questions fondamentales. D'abord, je vais demander, ça fait combien de temps que tu joues au rugby, toi? Alors, moi, vu que donc, moi aussi également, je viens de l'université de Pau, et qu'à Pau, il n'y a pas beaucoup de foot. Et dans cette région-là, c'est une région qui est très rugby, où ce sport est très pratiqué, et très populaire. Moi, j'y ai joué à l'âge de 11 ou 12 ans. Ah oui, et là, il y a quand tu as tienes? Maintenant, j'ai 21 ans. 21 ans, 10 ans de rugby, fíjate. J'ai arrêté de temps en temps, j'ai oui. Fait une petite pause. Oui, bien, vale, pour si. Sí, claro, porque uno, si se mete en rugby ya a 100, pues fíjate los estudios a ver cómo quedan, ¿no? Sí. Y no estaría uno aquí en el doble diploma estudiando, claro. Pero bueno, es un hobby, ¿verdad? C'est un passe-temps agréable. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Muy bien. Bueno, aquí conocemos el fútbol. Yo, mis hijos, por ejemplo, vamos, fútbol, no he ido más que eso en mi casa. Hasta las chicas miran los partidos de fútbol y juegan al fútbol también. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el fútbol y el rugby? Aparte del balón, que, en fin, visiblemente no es igual. ¿Qué diferencias? Je dirais que la première différence entre le fútbol et le rugby, c'est leurs origines. On va dire que c'est deux sports qui ont été inventés en Angleterre, même si le rugby est originaire du football, puisque à l'origine, rugby, c'est une ville d'Angleterre. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une université d'Angleterre. Si, c'est vrai, c'est une université. Où il y a eu un joueur qui s'appelait William Webelis, un étudiant, qui un jour avait décidé de ramasser la balle à la main, ce qui était interdit. Claro. Et d'aller marquer un but en portant la balle dans ses mains. Donc, pour l'arrêter, un de ses compagnons a dû le plaquer au sol. Il l'a plaqué au sol. Pour l'empêcher de... Le manteau, donc, la légende veut que ce soit comme ça, que ce soit né le rugby. Que nacía rugby, de un partido mal jugado, digamos, ¿no? Voilà. Una especie de herejía, ¿no? Une hérésie, ¿no? Du football. Exactement. Ay, qué gracia. Exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ça s'appelait le football rugby, puisque c'était le football de la ville de rugby. Y entonces ahora, cuando decimos rugby, realmente es una abreviatura. C'est une ville qui existe, voilà, qui existe si, en Angleterre. Si, si, elle existe toujours derrière un musée, yeah. C'est très touristique. Oui. Pues muy bien. Bueno, très touristique. Entonces, diferencia con el fútbol. La différence, c'est que le rugby, traditionnellement, c'était le sport de la bourgeoisie, de l'aristocratie. Claro, de la universidad inglesa, claro. Voilà, qui se pratiquait dans les universités. Et dans tous les pays du Commonwealth, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, par exemple, c'était la même chose. Comme au même titre que le cricket, c'était les sports de l'élite. Ah, alors que le football, c'était le sport du peuple. Ah oui. C'était le sport qu'on pouvait jouer dans la rue. Il n'y avait pas besoin d'avoir un terrain, pas besoin on pouvait jouer sur du bitume. Oui, c'est vrai. Avec n'importe quoi. Claro, y por ejemplo en el Brasil lo que pasa, ¿no? Los niños juegan al fútbol descalzos. Yo digo, es que yo he visto niños dando patadas al balón. En las playas, pero un balón de fútbol que son duros, yo no sé cómo pueden con los pies, pues nada, eso es, no hace falta ni terreno ni indumentaria ni nada. Mais cette différence existe dans les pays anglo-saxons, mais en France, j'ai envie de signaler que le rugby se développait de façon différente que dans ces pays anglais. Muy bien, sí. Bien qu'il soit arrivé dans les grandes villes à la fin du 19e siècle, il s'est développé par la suite au début du XXe siècle et tout au long du XXe siècle. Il s'est développé dans les petits villages du sud-ouest majoritairement, du grand sud-ouest, on va dire, pero de qué la France. Gracia. O sea, el rugby entró en Francia por dónde? De Inglaterra, ¿por dónde entró? Le Havre. Por Le Havre. Le port du Havre. Ay, qué gracia. Il arrivé en bateau. En barco. Sí, eso te iba a decir. Llegó en barco. Muy bien, desembarcaron unos cuantos aficionados y entonces se expandió después por toda Francia, ¿no? Por toda Francia, ¿no? Voilà, d'abord voilà. Dans les grandes villes, voilà. ça a été aussi un sport d'aristocratie dans les premiers temps, il y avait des grandes équipes à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Paris. Ah, sí. Et par la suite, il s'est développé dans les petits villages. C'est ainsi que, par exemple, on a des petits villages qui ont été champions de France de rugby par le passé. Des villages de 5 ou 6 000 habitants. Des villages de montagne, des villages de campagne. Bagnères de Bigorre qui a sí, été champion pues, de France. Claro, a ver, ¿quién conoce Bagnères de Bigorre? Bagnères de Bigorre está en los Pirineos, ¿no? Ahí, sí, perdido, sí. Allí. Perdido. Sí, pues muy bien, qué gracia, fíjate. Bueno, y yo me hago una pregunta. ¿Cómo el rugby... ¿Cómo es que cuajó tanto en el suroeste de Francia? Porque tú me estás hablando de Toulouse, me estás hablando de Bagnères de Bigorre, me estás hablando del suroeste de Francia. Ese, yo lo que a los estudiantes, para que entiendan bien, les digo, el triángulo gascón, es decir, Burdeos, Toulouse, Hendaya. Allí hay un triángulo que es bastante homogéneo y entonces digo, bueno, pues el triángulo gascón. Entonces parece ser que el rugby se juega mucho allí. ¿Y cómo es eso? Tout à fait. Je pense, et j'en suis même sûr, que c'est parce que traditionnellement dans ce coin de France, c'était un coin qui était très, très agricole. Ça a toujours été le travail des champs, le travail de la terre, comme on dit. Une zone agricola, agricole. Sí. Sí. Et que ce soit au Pays Basque, dans les Landes, ou dans le Béarn, ou en Bigorre, sí. les paysans donc, avaient coutume de s'affronter. Les week-ends, si. les fins de semaine. Oui, c'est vrai, il faut dire fin de semaine, il ne faut pas dire week-end. Avaient l'habitude de s'affronter dans des jeux de force et d'adresse. Si. Et que c'était des affrontements de village. Ah, oui. Et donc on jouait pour l'honneur du village. Voilà. Et je pense que quand le rugby est arrivé, ça a été le sport qui regroupait vraiment tout ça. Il faut aussi dire qu'il a existé dans cette partie de France, dès le Moyen-Âge, un jeu très similaire au rugby, qui s'appelait la soule. Ah, c'était voilà. Un jeu qui ressemblait un peu au rugby. Un juego, sí. Et c'était un affrontement entre villages. Ah, donc, sí, o sea, los rústicos se ponían unos contra otros. También como en las plantaciones de caña en Brasil, ¿no? Mm-hmm. Que después ya da la capoeira, que ahora es una especie de danza-baile, pero que al principio era como un enfrentamiento, ¿no? Exactamente. Entonces, pues nada. Entonces el rugby nace allí por esa razón. Mm-hmm. ¡Qué gracia! Y entonces, pues ya se ha fincado y entonces, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Bueno, mm-hmm. Pues vamos a escuchar un poquitín de música. Para cambiar un poco. Y después seguimos con el rugby, ¿no? Porque tienes más cosas que contarnos. Sí. Bien sûr. Intarissable sur le rugby. J'en ai Allez, beaucoup. On va écouter une chanson. Venga. Je rêve son visage, je décline son corps. Et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées? Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. Quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon lit est sous le vent. Les portes, les centres et les cris m'aiment enfermant. sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où chantant battre tout. Voilà, bah écoutez, après cette chanson qui est tout à fait douce, là, qui n'a rien à voir avec le rugby, bon, on va continuer avec le rugby. Arnaud, il adore ça. Mais rugby, c'est très doux aussi. Hein. Ah, non, me digas. Pero bueno, la mêlée es muy doux. Non, me digas. Il y a de la poésie dans ce sport. Bueno, pues d'ailleurs, il y a beaucoup de poètes qui sont tombés amoureux du rugby en France. Ah, si. Beaucoup. Beaucoup de grands littéraires, de grands poètes. Ah, si. Pues yo no sabía. ¿Tú sabes nombres? O tenemos que buscar en Google. Non, là, j'en ai aucun qui me vient. Là, mais si, pero buscaremos. Je reviendrai. Si, vous en parlez si vous pouvez. Ah, bueno, pues sí, podríamos hacer un programa poesía y deporte. Y entonces ya invitamos a Arnaud y nos explica los jugadores poetas. Qué gracia. Porque cuando vemos la melee, entonces el lío ahí, cuando están todos encima de de la pelota, eso asusta un poco, ¿no? Es un poco rústico, la verdad. Non, maintenant il y a des règles. Ah. Maintenant c'est assez. Il y a des règles, il y a des contrôles. Si. On peut pas être un joueur qui risque d'être en situation de faire la mêlée sans avoir au préalable une radio des cervicales qui atteste que par le médecin que l'on peut qu'on est en état de faire une mêlée. Ouais. L'arbitre veille au bon fonctionnement. C'est de moins en moins risqué. Mais c'est vrai que il y a 50 ans de ça, oui, les mêlées, c'était... Parce que yo, sabes, Arnaud, yo me apellido Dubroca. Et Dubroca, pues hubo un jugador de fútbol, de rugby, muy famoso. Pero no era primo mío, pero ahí, en esa zona, somos muchos Dubrocas, y entonces, pues a lo mejor es algo primo. Yo voy a decir que es primo, porque me gusta ser prima de un señor tan, tan conocido. Pero era un poquitín bruto, ¿no? Non, non. Je pense que ça c'est ça c'est un des aspects du rugby qui est bien, c'est que quand on a un esprit d'équipe et qu'on a formé une équipe, faut savoir que le dénommé Dubroca a été capitaine puis entraîneur. Ah si. Et quand on a ce poste là, cette responsabilité là, et au poste où il jouait, c'est-à-dire le poste de talonneur, c'est lui qui est au cœur de la mêlée. Il faut avoir cet instinct un peu, cette fibre un peu protectrice par rapport à ses autres joueurs. Ah, oui. Donc on lui a reproché certains gestes, mais je pense que c'était plus par... pour défendre son petit groupe. Pour défendre son équipe, si, que, claro, que la pure méchanceté... Si, en defensa de ellos, ¿verdad? Mm-hmm. Si. Pues qué pasó, porque era capitán de l'équipe de Francia, non? Il était capitaine d'une des meilleures équipes qu'on ait eues. Ferraté. Avec de très très bons joueurs à l'époque. Si, si. Des joueurs d'ailleurs du sud-ouest. Si, claro. Serge Blanco de Biarritz, Philippe Sella d'Agen, deux des meilleurs joueurs du siècle. Claro, y todos hablaban con ese acento tan maravilloso, ¿verdad? Voilà. Que daba gusto oírlos. Tous. Tous. Et non, il y avait eu un match contre l'Angleterre qui était notre ennemi, on va dire, héréditaire. Dans ce sport, je précise. Oui, bien sûr. Et il faut faire l'Europe. Hein. Et voilà, il y avait eu un match qui avait été qu'on avait perdu dans des circonstances bizarres, un quart de finale de Coupe du Monde. Et à ce moment-là, il était plus joueur, il était déjà entraîneur de l'équipe nationale. Et il avait un peu bousculé l'arbitre. Dans les couloirs à la sortie du match. Sí, es que hay que ver que es que el tío era un grandísimo. Entonces, claro, lo tropezó un poquitín y el otro dijo, ay, me ha atropellado. En fin, bueno, Arnaud. Exactement. Pues muy bien, pues nada. Yo voy a terminar con un pequeño comentario que encontré en el Marca. Que allí hay gente que dice que es una pena. Y hay un lector que dice, lo que tendrían que hacer es televisar de vez en cuando algún partido de la Liga Española de Rugby para que haya gente que se enganche a ese gran deporte. ¿Estás de acuerdo, Arnaud? Oui, tout à fait. Surtout que je pense que en Espagne, ce serait un sport qui prendrait beaucoup. Qui prendrait beaucoup. Il y a beaucoup de similarités avec la France. Et je pense qu'en plus, ce serait un rugby joli, beau à voir, vu que on le voit avec le football, c'est un pays qui aime le beau jeu. Et ce serait un rugby un peu plus latin, un peu plus... Ah. Un peu moins anglo-saxon que celui qu'on a l'habitude de voir en ce moment. Pues nada, ya te veo que tienes buenas ideas y a ver si las difundimos vía Radio USAL. Pues muy bien, nos despedimos y a la semaine prochaine. Au revoir.